j'ai trop de bagues aux cousses. Ôtez-moi vite la muselière. J'ai du dégoût pour tous ceux qui m'amusaient hier. Et y'a le fiasco qui se profile. Les enfants vieillissent trop vite. Par détresse, teaser, ils m'attisent dans le bistrot vide. Pourtant, la plupart de ces caves auraient pu finir jeune cadre. Ils changeront pas le monde, mais le refront autour d'un jeu de cartes. Une idée fleurissante venant à peine d'éclore. Je vis la haine des potes, et si tu le sens, c'est que la tienne éclore. C'est dans mes torts que je rate un truc abstrait et pas clair. Quand je rase les pâquerettes, t'es pelleux, t'as fait bâcler. J'ai vu la roue tourner dans un sens culotte. Le stylo pisse en parler quand j'étais seul pilote. Une directrice en travaux, une entrave à ma plume. Quand les textes se dégradent, je te déclare, c'est ma nature. Rien ne va plus, les thèmes fusent et son tas de doigts être offusquant. Quand tout fout le camp et que le silence s'appelle le boucan. Prise de thème, introspectif des voix. La rime en l'air, mais bien trop sceptique et froid. Triste de tête, introspectif mais je crois. La plume va vite, s'agit dans mise des voix. Soir se promis, je brise le texte avec mes gars. Maîtrise le verbe, une prise de thème réfléchie qu'entraîne des dégâts. Mes vices me cernent. Et sur un struche qui font faire des débats, des cris de guerre. J'ai envie de me faire sur terre, je vais l'enfer, je témoigne. Déjà de projets solo, je dirais plus d'une vingtaine de titres. Autant de scènes que d'années sur terre, gros, encore une centaine, je me tire. Il faut que le message passe, on remplit nos rôles d'orateurs, on avise. Ramasse sans jamais viser les adorateurs fraterneux dans la classe. Mélan, sors ce pas de faux rappeur, moi je suis pisse à la base. Mélan, ne crois pas que le faux va peur. Pas de carré, je cache la vérité depuis mes 16 balais. Parle de ce que je vis, c'est vérité. Je te décris des scènes balèzes. Du sale à retranscrire, impliqué dans nos prises de thème. Du mal à vous mentir si j'ai rien à dire, oui je me tais. Eh, frélo, crois pas qu'on arrêtera de sitôt. Dans la rue, on y est, on y est dans nos maquettes par mytho. Prise de thème, introspectif des fois. La rime en l'air, mon aide, bien trop sceptique et froid. Prise de thème, introspectif mais je crois. La plume va vite, s'agite dans nos prises des fois. Je suis rempli d'objectifs que je vise trop tard. Haine triste, trop trash, qu'elle m'arrive, gros, je batte. Je prends les thèmes en prise d'otage, je m'en vais puiser les ressources. Quand tu trouves pas ta place, prendre les problèmes à la base, reviens à crier sur des sourds. Y'a peu de choses qui focalisent la bête, rien à prouver, marre d'étouffer. Pour m'y retrouver, il faut que je focalise ma perte. Ma vie, c'était le rap, un somatise et le graphe. Ces choses, ça me tire, en somme, j'attise les choses à dire quand je somatise, c'est grave. Des mal et tapins déteignent, on est loin du jardin d'Éden. Strident, j'écris 8 ans, j'écris tarpin des thèmes. Les sujets viennent décorer des textes posés. Des sujets, le thème de m'explorer sans exploser. Et te crois pas invincible, t'es pas de la lave. Donc j'affûte mes principes, loin de ceux qui s'incitent. J'décrypte les schémas de la life. On vit carpe diem, j'aiguise un feu de claustrophobe. Prise de thème, perpétuelle mon cœur en guise de coffre fort. Prise de thème, introspectif des voix. La rime on l'aime, on aide, bien trop sceptique et froid. Prise de thème, introspectif mais j'crois. La plume va vite. Là c'était laisser glisser la plume ou faire parler l'épée. Certains de mes textes ne sont qu'un prétexte pour réparer mes plaies. Putain, j'suis déjà blasé, j'rappe ma rage et mes peines. Et ça malgré le temps qu'on a passé à arracher des thèmes. J'vais pas faire un son sans le soir. J'aurais l'impression que viole l'auditeur, on emmerde la censure le soir. On règle sur tes violons qui beurrent, ne juge pas bêtement, tu me déçois. Même si j'étais violent, type peu, j'suis pas un de ces mecs sûrs de soi. Vraiment comprendre, voyons qui peut. Rap, musique, je te méprise, je t'aime. Mon âme est triste, j'suis toujours soucieux dans mes prises de thème. Amène un speech, j'vais la puiser, chaque jour et puis j'me perds. J'écris jusqu'à m'épuiser pour que ma haine puisse se taire. Ils diront, j'dois faire des efforts, que le succès est à ma portée. Au fond, c'est faux, je sais, t'es mal, bordel, dans mes thèmes apportés. On fait que rapporter nos vies, pourtant j'ressens un tel mépris. Laisse tourner la boucle, l'encre coulera maintenant qu'un thème est pris. Prise de thème, introspectif des fois. La rime, on l'aime, on est bien trop sceptique et froid. Prise de tête, introspectif, mais j'crois, la plus va vite.